بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème d'aujourd'hui traite de la relation du musulman et d'un mosquée. Louange à Allah, nous le louons et nous implorons son aide. Nous nous en remettons à lui du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide sur la bonne voie, nul ne peut l'en dévier. Et celui qu'Allah en dévie, nul ne peut l'y guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, tuteur des vertueux. Et je témoigne que notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, et pour ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Serviteurs d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Serviteurs d'Allah, nous sommes la nation des mosquées, des prières, inclinaisons, des prosternations. Serviteurs d'Allah, les mosquées sont les maisons de Dieu, les maisons d'Allah, le Très-Haut. Celui qui aime Allah, le Très-Haut, il aime ses maisons et il les visite beaucoup. Lorsqu'un invité arrive dans les maisons de gens généreux, il est touché par leur générosité et leur bonté. Il obtient de leurs dons et leur hospitalité. Alors, que penser de l'invité du meilleur des plus hospitaliers, le Seigneur des univers, Allah? À n'en pas douter. Le meilleur dans Allah le Tout-Puissant fait à celui qui visite ses maisons, les mosquées, et de lui faire goûter la saveur de sa proximité, la douceur de lui parler en toute intimité, et surtout, Allah témoigne de sa foi. Le jour de la résurrection, celui qui fréquente les mosquées d'Allah, il sera à l'abri dans l'ombre du trône d'Allah, dans la sérénité et la quiétude. D'après Abu Huraira, qu'Allah lui bénisse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah les mettra dans son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et il a cité parmi eux un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, unanimement authentique. Celui qui fréquente les mosquées, Allah le comble par la grâce du paradis et tout ce qu'il lui a préparé de don pour l'éternité. D'après Abu Huraira, Allah lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va à la mosquée dans la journée ou le soir, Allah lui prépare un gîte au paradis à chaque fois qu'il y va dans la journée ou le soir. Serviteur d'Allah, les mosquées ne sont pas les uniques lieux de culte où on pratique les rites et les prières. Toute la terre a été faite mosquée purifiée pour la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle peut y prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, là où l'heure de la prière a rattrapé, prie-y, c'est une mosquée, rapportée par Allah. Les mosquées sont les maisons de Dieu. Le musulman y va coupé des tracasseries de la vie matérielle et libre de ses ennuis. Il y trouve la sérénité du paradis. À la mosquée, on lit le Coran, on apprend la langue arabe, on y invoque Allah, on y écoute des prêches et des conseils qui purifient l'âme. Les musulmans y font connaissance entre eux et établissent des liens. Serviteur d'Allah, si l'invité a droit à l'hospitalité, son devoir est de connaître à sa juste valeur son hôte, celui qui le reçoit, c'est-à-dire chez lui, il est invité. Il doit se préparer à sa visite et il doit être très bien élevé comme il se doit à sa majesté et à sa grandeur. Dans la mosquée, l'invité est celui qui y va, et celui qui y reçoit est Allah le Tout-Puissant. Alors, comment doit se comporter le musulman dans la mosquée, dans la maison de Dieu. Il faut d'abord aimer les mosquées et les respecter. Les maisons d'Allah ont été construites pour son adoration, son invocation, la lecture de son livre, l'accomplissement de son message et ses enseignements, et la rencontre des croyants autour de la sagesse et la bonne éducation. Ensuite, dans les limites de ses moyens, le musulman doit contribuer à la construction des mosquées et leur entretien. Troisièmement, la constance dans la fréquentation de la mosquée, même si elle est loin du domicile. Il faut y aller, même s'il fait très chaud ou très froid, même s'il fait nuit et que le chemin est difficile. Quatrièmement, il faut se préparer pour partir à la mosquée. Pour cela, il faut se laver et bien faire ses ablutions. Se laver les dents, mettre les vêtements propres, se couper les ongles, se raser les poils, se faire beau et se parfumer. Allah a dit, ô fils d'Adam, faites-vous beau à chaque fois que vous allez à la mosquée Al-A'raf 31. D'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se lave dans sa maison, ensuite il va à l'une des maisons d'Allah pour y accomplir l'une des obligations d'Allah. L'un de ses pas lui efface un péché et l'autre l'élève d'un degré. Cinquièmement, il faut arrêter toute activité temporelle quand on entend l'appel à la prière. Il faut répondre très vite à l'appel et aller à la mosquée dans tous les cas. Sixièmement, il faut entrer à la mosquée le pied droit en premier et en disant « Bismillah » et « Oh Allah, j'invoque des prières pour notre maître Mohammed. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta clémence. » Septièmement, il faut sortir de la mosquée le pied gauche en premier et en disant « Oh Allah, j'invoque des prières pour notre maître Mohammed. Oh Allah, je te demande tes bienfaits. » Une fois à la mosquée, avant de s'asseoir, il faut faire deux unités de prière pour saluer la mosquée. Une unité de prière est une inclination et deux prosternations. La prière du salut de la mosquée se fait avant l'heure de la prière obligatoire et ne se fait pas lorsque l'imam est en train de faire le prêche du vendredi. Et celui qui, pour une raison ou une autre, n'a pas pu faire la prière du salut de la mosquée, ils disent Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa al-'aliyyil 'azim, trois fois. Neuvièmement, il faut se déchausser quand on rentre à la mosquée. Dixièmement, faire très attention à la propreté de ces chaussettes. Il faut ensuite éviter d'enjamber les nuques pour aller au premier rang, au premier rangé. Pour cela, il faut arriver tôt à la mosquée. Onzième, il faut éviter de manger l'ail ou l'oignon et tout ce qui peut donner une mauvaise haleine, comme la cigarette par exemple. Avant d'aller à la mosquée, il faut se laver la bouche et les dents avec un dentifrice et une brosse à dents, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de mauvaise odeur. Deuxièmement, il faut éviter de s'amuser, de jouer ou de courir dans la mosquée. Certains parents lâchent leurs enfants dans la mosquée comme s'ils étaient dans la rue ou un espace de jeu. Il faut éviter les bavardages et d'élever la voix, même en lisant le Coran, d'une façon qui peut déconcerter ceux qui prient, ceux qui invoquent Allah ou ceux qui étudient. Troisièmement, il faut éviter de se disputer dans la mosquée, comme il faut éviter d'acheter ou de vendre à l'intérieur de la mosquée, de chercher des choses perdues et de lire la poésie, sauf si elle comporte le bien et la sagesse. Quatorzièmement, il faut éviter de croiser les doigts dans la mosquée et de les faire craquer. Quinzièmement, sauf pour une excuse valable, il faut éviter de quitter la mosquée après l'appel de la prière. Deuxièmement, il faut éviter de manger à la mosquée. Dix-septièmement, il faut entretenir la mosquée et veiller à sa propreté. Il faut préserver la mosquée des enfants et des fous. Les enfants ne doivent pas être livrés à eux-mêmes dans la mosquée. Les parents doivent les encadrer pour les habituer à fréquenter la mosquée comme il se doit. Dès 7 ans, il faut les éduquer au savoir être dans la mosquée. Il faut éviter de les humilier ou de les chasser de la mosquée. Certaines femmes viennent à la mosquée avec un nourrisson qui n'arrête pas de pleurer et cela cause une grande gêne et ce n'est pas permis. 19. Tant que femmes, les femmes et l'exception, elles doivent être pudiques et éviter de se préparer, de se parfumer aux trans. Elles doivent être pudiques pour venir à la mosquée. Elles doivent entrer et sortir par des accès réservés pour elles, sans se mélanger avec les hommes. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Subhanallah wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.